cours numéro 7. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Famada akhadna fi darsina al-akhir, qui c'est qui nous rappelle le chapitre précédent, tafadhal. أحسنت باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا شيخ الإسلام ذكر هذا الباب هنا؟ تفضل. لأن الإنسان إذا علم التوحيد وجده يجب عليه الدعوة يجب عليه أن يدعو إلى التوحيد. أحسنت. فإذا الإنسان إذا تعلم il a appris c'est quoi le tawhid et son contraire, il connaît le fadail, les bienfaits. فهذا يجب عليه الدعوة. Il doit appeler à هذا الخير et mettre en garde contre الشرك. Et il a cité quoi comme dalil pour prouver que on doit faire الدعوة, appeler à ce tawhid عندما تفضل. Ad'u ila Allah ala basira. C'est quoi le lien entre ce passage et le tawhid? Ad'u ila Allah, ay ila dinillah. Tu vas appeler à quoi? La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, qawluhu hadhihi sabili. Ad'u ila Allah, ay ila dinillah. Dinullah, il est fondé sur ماذا? Sur le tawhid. Kama taqaddam. فقوله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ça c'est سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم et tous ceux qui l'ont suivi. C'est d'appeler à la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Et دين الله il est مبني على أمور. Comme في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله le premier pilier. فلهذا il a cité les deux en deuxième comme deuxième preuve. Hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu pour te montrer comment on fait ad-da'wa et par quoi on commence. Enfin, pourquoi il a cité le hadith al-shahid faqat? Quand on récite al-hadith rubbama la nantabih lish-shahid. Et on peut le réciter facilement, mais quand on demande que shahid ait le passage du hadith qui montre ad-du'a, ad-da'wa إلى شهادة أن لا إله إلا الله هذا سمونتر كون ا كومبري فكي سي كي سيت الشاهد فقط تفضل قال صلى الله عليه وسلم ليكن أول ما تدعوهم يا شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إذا أي واحد أحسنت فليكن أول ما تدعوهم إليه لا بروميير شوز ا كوا تو لي أبل لا إله إلا الله التوحيد. Et la deuxième version, elle explique la première. Il a un yuwahidullah. C'est ça, al-tawhid. Et c'est ça, ma'na la ilaha illallah. Tawhidullah subhanahu wa ta'ala, fil ibadah. Wa tartib, shaykh al-islam, il est tayyib. Il te cite un verset, thumma, il te cite un hadith, al-haqiqa, qui explique hadhihi al-da'wa qui est cité dans le verset. Wa hadith sahl. Radiyallahu anhu, c'est le deuxième hadith qu'il a cité. Pourquoi Cheikh al-Islam rahmatullah alayh il a cité هذا الحديث هنا dans ce bab? Ah, تفضل. أحسنت. ثم ادعوهم الى الاسلام. L'islam, comme taqaddam, s'est fondé sur plusieurs piliers. Et le premier, le plus important, c'est at-tawhid. Donc la première chose, c'est da'wa ila hadha at-tawhid al-azim. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqillahi ta'ala. Kadhalik, ce passage, fihi ad-da'wa ila at-tawhid. Qui c'est qui nous explique? Le premier, n'tahayna, thumma ad'uhum ila l'islam. Qawluhu alayhi salatu wa salam, wa akhbirhum bima yajib alayhim. من حق الله تعالى. كي سكي اكسبليك تفضل. يعني ان الحق الله تعالى كما ذكر في حديث معاذ هو يعني هو يعبد الله هو يعبده ولا يشرك به شيئا. احسنت. معنا في حديث معاذ رضي الله عنه. On a vu précédemment dans le hadith de معاذ أن حق الله عز وجل c'est التوحيد. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Donc النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث il a ordonné معاذ, ou plutôt hadith سهل, il a ordonné à Ali رضي الله عنه de faire الدعوة et de commencer par التوحيد. Cheikh al-Islam, il a cité هذه الأدلة pour te montrer, أخي الكريم, أن دعوة الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام c'est الدعوة إلى التوحيد. ثم des autres choses. لكن la base c'est التوحيد. كما قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. S'ils acceptent هذا التوحيد, فانفورمولي أن الله سبحانه وتعالى il a rendu obligatoire 5 salawat. S'ils acceptent الصلاة, ينتقلون إلى الزكاة وهكذا. C'est ça الحكمة في الدعوة. C'est de commencer par l'أهم. C'est ça الدعوة الصحيحة. Commencer par التوحيد. أما mélanger ou délaisser le plus important et appeler une chose qui est moins importante, même si elle est importante en elle-même, فهذا سيبا من الحكمة. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Après avoir cité هذه الأبواب المهمة أي في بيان التوحيد ووجوب التوحيد وفضل التوحيد أي سكوى التوحيد لبينفع كذلك سكي كونتخدي هذا التوحيد باب الخوف من الشرك كذلك le dernier باب qu'on avait ensemble الدعوة. Si on a compris tout ça, on doit appeler à ce توحيد. ثم في هذا الباب رحمة الله عليه il a conclu هذه. C'est comme une muqaddima fil haqiqa, ces premiers abwab, jusqu'au cinquième. فهذه الابواب, il les conclut avec هذا الباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. أي, il va démontrer c'est quoi حقيقة التوحيد. لماذا؟ لأن بعض الناس, ils ont une conception, une compréhension du توحيد qui est mauvaise. فبعض الناس يقولون هذا, أنه il faut s'écarter du shirk. أنه يفو أبلي أو التوحيد أن التوحيد سي لاشوزا بلوز امبورتانت لكن عند التدقيق تو تابيرسوا أن هذا التوحيد أوكل إل زابل سي با توحيد الأنبياء والرسل. فلهذا شيخ الإسلام دون سو شابيتر إيفا سيتي كلكو فيرسي من القرآن الكريم et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer c'est quoi le tawhid. Tawhid al-anbiya wal-mursalin. Wa sayati ma'ana insha'Allah ta'ala kalam Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et il va démontrer limadha Cheikh al-Islam fil haqiqa il a déjà cité hada dans le premier bab. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun, le verset. Et d'autres adillah qu'on a vu ensemble, haqqullah ala al-ibad an ya'buduh, la yushriku bihi shay'a, tous ces adillah qu'on a vu ensemble. Faqad yaqul qa'il fa limadha huna shaykh al-islam répète. Il y a une fa'ida azima fil haqiqa. An hadha at-tawhid, il faut da'iman se rappeler. Li anna al-insan yusab bil ghafla wa bil nisyan wa bil shubuhat. Le fait de se rappeler, de répéter hadhihi al-adillah, c'est ça, da'watu jami' al-anbiya wal-rusul, et on lira ensemble, incha'Allah ta'ala, kalam Cheikh Abdurrahman. Qabla dhalik, on lit kalam Cheikh al-Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, il a démontré al-munasaba, et l'imada Cheikh al-Islam, il a cité ce chapitre dans ce livre, et juste après avoir cité al-da'wa, قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص لما ذكر المصنف رحمه الله في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك. وهذا تقدم معنا les bienfaits, l'obligation, ce qui contredit التوحيد أي الشرك. Et tout ce qu'on a vu auparavant, après avoir cité tout cela, قال بين رحمه الله في هذا الباب معناه لأن بعض الناس يخطئ في فهم معناه فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. Et ça c'est une erreur. أن البعض pense que التوحيد qui est cité dans les versets et ce توحيد qui était دعوة جميع الأنبياء والرسل, البعض للأسف يظنون أن هذا التوحيد c'est بمعنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية. أي أن الله سبحانه وتعالى c'est l'unique créateur. Et هذا c'est صحيح, لا شك أن الله عز وجل متفرد أو منفرد بتوحيد الربوبية. Et chaque mu'min il a cette عقيدة ولله الحمد. لكن est-ce que ça suffit? لا. لأن les versets qu'on va lire, vous allez voir qu'il y a une معنى زائد. Il y a quelque chose en plus. Enfin, reconnaître Tawhid al-Rububiyya, c'est important, là, mais ça ne suffit pas. Et celui qui reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Annahu al-Muhyi, al-Mumit, al-Raziq, al-Mudabbir li hadha al-Kawn. Et il a une aqida ferme. Annahu, il croit que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, qui guide, qui donne. Lakin, il n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. أو إلى ضغ الله سبحانه وتعالى إلى ضغ أطخ شريك أي في الشرك أكبر فهذا son إيمان بالربوبية ça lui est d'aucune utilité. C'est ça qui veut démontrer الشيخ بهذا الباب المهم. Et في الحقيقة تقدم هذا معنا في القواعد الأربع. On avait ولله الحمد différencié entre توحيد الربوبية et توحيد العبادة. قال الشيخ الفوزان وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. أما توحيد الأنبياء والمرسلين qui est cité dans les plusieurs versets, dans plusieurs ahadith, et c'est la da'wa de tous les prophètes, c'est un appel à توحيد العبادة. أي adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et s'écarter du shirk. Enfin, les trois catégories de tawhid qu'on a vues ensemble au début de ce livre, les trois catégories, elles sont liées. Enfin, celui qui reconnaît et qui croit que Allah c'est Rabb, أي tawhid al-Rububiyya, ça implique, ça doit impliquer plutôt, أنه il doit adorer Allah seul. وإلا فسي reconnaît et croit, ثم il adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, أو يشرك بالله عز وجل, ça lui est d'aucune utilité. وللأسف كثير من الناس à cause de دعاة أهل الباطل, دعاة الباطل, كثير من الناس ils ont cette compréhension du tawhid. فلهذا البعض يبنس أن من آمن بالله, celui qui croit que Allah il existe عز وجل et Allah c'est lui qui a tout créé, فعندهم يبنس أن هذا c'est un مؤمن et ça lui suffit. Et avec cela, vous allez comprendre plus l'imam d'Abad al-Dullal. Il pense que les Yahoud ou les Nasara, c'est des croyants. Mu'minoun pour eux. Et ils les ont fait rentrer dans le Qawlillahi Azza wa Jal. Innama al-Mu'minouna ikhwa. L'imam d'Abad al-Dullal disent eux aussi, ils croient au Créateur. Les Yahoud, كذلك, ils croient qu'il y a un Créateur. Fa'indahum, ça suffit, c'est un croyant. ثم on a divergé dans certaines choses عيادا بالله. هكذا البعض ils ont cette compréhension. أما celui qui a étudié دعوة الأنبياء, qui a étudié هذا التوحيد بفهم الصحابة رضي الله عنهم, il sait très bien أن المراد من التوحيد c'est adorer Allah seul et s'écarter du shirk. Et c'est ça معنى لا إله إلا الله. فلهذا شيخ الإسلام, vous allez voir les preuve qu'il a cité, ça tourne beaucoup autour de shahada. Et هذا التوحيد, c'est l'explication de shahada. Enfin, si on résume l'an, c'est quoi qui nous fait rentrer dans l'islam? C'est shahada. Pour rentrer dans l'islam, tu dois dire ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Celui qui prononce cette kalima et il croit, thumma, il doit appliquer les autres choses, min salatin wa zakatin wa hajj wa siyam ila akhirah. Hadihi shahada al-an qui fait rentrer l'islam, c'est quoi son sens? Cheikhoul Islam, il a cité des preuves pour te montrer à son sens, c'est d'adorer Allah seul et s'écarter du shirk. C'est pas de reconnaître Allah en tant que créateur, faqat, la. Il y en a celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, forcément, il croit que Allah c'est le créateur, c'est pour ça qu'il l'adore. هذا خلاصة الكلام. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه. Ce verset taqaddum ma'ana, Cheikh al-Islam, il l'a cité dans des abwab précédemment, pour nous démontrer c'est quoi le tawhid. Enfin, la question qu'on peut se poser là, pourquoi Cheikh al-Islam, il a répété un autre chapitre, fi bayan, hada tawhid. Qala, Cheikh Abdurrahman, fama fa'idatu hadihi tarjama, qila, hadihi l'ayat al-mathkura fi hada al-bab, fiha mazid bayan, bi khususiha li ma'na kalimati l'ikhlas, wa ma dallat alayhi min tawhid al-ibada. أي أولا شيخ الإسلام il a répété لماذا لأن le sujet il est très très important et كذلك شيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه il a cité comme فائدة أن هنا شيخ الإسلام il a détaillé plus ففي الحقيقة ce باب c'est dans la continuité de ce qu'on a vu auparavant et avant de rentrer dans les détails c'est pour ça qu'on a dit jusqu'à cette partie de ce livre في الحقيقة c'est comme une introduction أن الشيخ رحمة الله عليه il nous a montré التوحيد son sens, ses mérites, ce qui le contredit, et ad-da'wa. C'est comme une introduction. Après ce bab, tout ce qui viendra, c'est pour expliquer هذا التوحيد. فلهذا قال شيخ الإسلام à la fin du bab وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Et l'explication en détail, encore plus, de ce chapitre, c'est quoi التوحيد et c'est quoi معنى لا إله إلا الله. L'explication, c'est dans tous les autres chapitres. Jusqu'à la fin du livre. Matalan, tu ne dois pas sacrifier pour autre qu'Allah. Tu ne dois pas jurer par autre qu'Allah. Tu ne dois pas accrocher une chose en pensant qu'elle te protège. Tous les abwab qu'on verra ensemble, bi'idhnillahi jalla wa ala. Al-haqiqa wufiqa, rahmatullah alayhi. Tawfiqan aziman fi hadha al-kitab. Des abwab très très simples, avec quelques preuves très faciles à apprendre, à comprendre. Et al-haqiqa, celui qui a compris hadha al-kitab, et qui donne le haqq à هذا الكتاب من حيث الحفظ والدراسة والمراجعة. Mais en fait, il aura compris دعوة الأنبياء والرسل. Et c'est une ni'ma azima. Et dans beaucoup d'endroits, كثير من المسلمين, ils n'ont pas compris هذه الدعوة. النبوية. دعوة التوحيد. دعوة الله سبحانه وتعالى. C'est une ni'ma azima. On doit faire des efforts dans la compréhension de ce livre. On doit faire des efforts fi nashr les fawaid. On doit faire des efforts fi al-ilm et la régularité hatta nafham. Thumma ba'da dhalik Cheikh al-Islam rahmatullah alayh, il a cité plusieurs preuves. Minha qawlullah ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. شيخ الإسلام il a cité ce premier verset pour t'expliquer التوحيد. قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد أي pour te montrer مناسبة الآية للباب أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك بحيث لا يدعو مع الله أحدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. Et c'est ça l'explication et le sens du tawhid. Et s'écarter du shirk. Enfin, reconnaître et croire que Allah c'est le créateur, bien sûr ça fait partie de l'iman, mais ça ne suffit pas. فَلِهَذَا نَحْنُ نُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ et كَذَلِكْ نَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَنَكْفُرْ بِالشِّرْكِ et on déteste le shirk. Et كَذَلِكْ on a l'aqidah أَنَّ لَا يَجُوزْ لَا يَجُوزْ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ. On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Même si cet autre, c'est un makhlouq qui a un fadl. Belle, même si c'est afdal al-makhlouqat. Notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de l'adorer. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un guide. Il nous montre at-tariq, il nous a montré la voie à suivre. Amma l'adoration, c'est un haqq lillahi azza wa jal wahda. C'est ça le tawhid. Comme il y a des gens, ils adorent les tombes. Ils ont la croyance en Allah, c'est le créateur. Lakin, ils adorent les tombes. Limada. Pourquoi ils adorent les tombes? Ils n'ont pas compris ce verset et ils n'ont pas compris at-tawhid. Qala Cheikh al-Islam, ou plutôt Cheikh ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, haoula, alladina yad'oun al-anbiya, ou al-malaika, lam yatabarru min al-shirk. Haoula, et ceux qui adorent al-anbiya, مثل النصارى إذا دعوا عيسى أو الملائكة أو الصالحين ils leur demandent, ils demandent pas Allah subhanahu wa ta'ala, là ils demandent à ces créatures. فهؤلاء ils se sont pas désavoués du shirk. لماذا؟ لأن adorer autre qu'Allah c'est du shirk. وتقدم معنا في القواعد الأربع قاعدة عظيمة. Qui c'est qui se rappelle هنا par rapport à ce passage, une قاعدة عظيمة qui va être utile في هذا الباب المهم باب التوحيد تفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس متفرقون في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار ومنهم من يعبد أحسنت والنبي صلى الله عليه وسلم كيس كي لعفا ولم يفرق بينهم أحسنت ولم يفرق بينهم قاتلهم جميعا أنا النبي صلى الله عليه وسلم quand il a appelé au tawhid il a mis en garde contre le shirk pourtant certains de ces mouchriks ils adoraient بعضهم للستاتو بعضهم دي بروفيت بعضهم دي زانج ملائكه النبي صلى الله عليه وسلم الى كوندني هذا الشرك سان ديفيرونسي سا فو با دير كما يقول اهل العلم ان اوم او ميم ران اون بيير اون ستاتو افيك ان بروفيت نعوذ بالله لا لكن من حيث العباده اون با لو دادور اون بيير كوم اون با لو دادور النبي مع أن الأنبياء أفضل المخلوقات لكن العبادة سحق لله سس التوحيد قال بل هم واقعون فيه ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى فهم غير مستفيدين أو غير مستغنين عن الله بأنفسهم فكيف يغنون غيرهم صحيح أن هؤلاء يدمون أدك خاتر alors que ces créatures eux-mêmes ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque créature a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas demander à un va'if, un makhlouq, un bachar comme toi, fadlan une pierre, un caillou, iyadan billah. En fait, ça nous montre un mushrik, il n'a pas de din et kadhalik, il a un problème dans sa raison. Wa illa al-aqil, il ne peut pas adorer une créature comme lui. L'ibada, c'est quelque chose que tu vas donner à Rabb subhanahu wa ta'ala. Il a un fadl sur toi, il t'a créé, il t'a donné. Il m'a donné l'ibada à quelqu'un comme toi, qui a des faiblesses comme toi. Ça, c'est min al-safaha. C'est ça, al-munasaba. Oulaika alladhina yad'ouna yabtaghouna ila rabbihim al-wasila. Et ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. العلماء اختلفوا. Certains ils ont dit al-murad huna c'est al-malaika. D'autres ils ont dit c'est Isa, d'autres ils ont dit c'est Uzair. المهم في الحقيقة كما قال شيخ الإسلام on avait cité son قول فيما ذكر نعم قال وهذه الأقوال كلها حق فإن الآية تعم من كان معبوده عابدا لله عز وجل سواء كان من الملائكة ومن الجن ومن البشر. D'autres ils ont dit c'est un قوم من الجن qui se faisait adorer par les humains, thumma haoula al-jin aslamu, ils sont rentrés dans l'islam. Et ces êtres humains, ils ont continué de les adorer. Pardon, ils ont dit al-murad, c'est Isa, ou al-Uzair, ou de malaika, al-muhim, tous ces aqwal, il n'y a aucun mal. Limada, lianna haoula, alladhina yad'ouna. Suivez bien le verset. Oulaika alladhina yad'ouna. Si on prend l'exemple de Isa, alayhi salatu salam. Al-Nasara, il l'adore. عيسى lui-même قال عز وجل يبتغون إلى ربهم الوسيلة. عيسى lui-même il adore Allah سبحانه وتعالى. Pourquoi l'adorer? Adore le même ilah que عيسى عليه الصلاة والسلام. Si on prend l'exemple des malaïka, بعضهم ils adorent les malaïka, les anges. Les anges eux-mêmes يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة هنا c'est بمعنى القرب. Et eux-mêmes, ils veulent se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, pourquoi les adorer ? ثم قال عز وجل أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه هؤلاء الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون eux-mêmes ils espèrent رحمة الله عز وجل et ils ont peur de son châtiment. فلماذا بعض الناس en prétextant prendre comme intermédiaire مثلا un نبي il délaisse عبادة الله alors que le نبي lui-même il nous a montré la voie, il faut adorer Allah seul. Ah, ce verset te montre haqiqatu tawhid. En adorer autre qu'Allah, ça annule le tawhid. Et adorer un bachar, même s'il a un rang élevé indallah, un nabi, un rasoul, c'est min al-shirk. Lianna Allah azza wa jal qal wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iya. Al-ibada, c'est que pour Allah. Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Shay'a, ça englobe tout le monde. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala wa'budullah thumma shay'an, ça englobe toutes les créatures. On n'a pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Ou alors ils ont des choubah en s'appuyant sur ce verset ou autre, et inshallah on répondra à ces choubahat si on étudie kashf choubahat ou tatali l'i'tiqad après ce livre idnillahi azza wa jal. Qala Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala al-wasila huna ma'naha ay يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي هؤلاء أمم يغشش الوسيلة قال شيخ الفوزان الوسيلة هنا معناها الطاعة والعبادة باكم ils ont compris les mouchriquon أن الوسيلة ils prennent ce genre de verset ils disent regardez on a le droit de prendre des intermédiaires لماذا لأن الله عز وجل قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة ils prennent des intermédiaires أبدا الوسيلة هنا c'est الطاعة l'intermédiaire c'est adorer Allah عز وجل. Pourquoi on dit que الوسيلة هنا c'est de ne pas adorer autre qu'Allah? On a beaucoup de versets à hadith qui nous montrent que adorer autre qu'Allah c'est du shirk. Enfin, est-ce que ce verset tu peux le comprendre avec du shirk? Ça nous montre la gravité de ceux qui prennent un verset, ils le comprennent avec le hawa et ils s'égarent. قال شيخ الفوزان وليس معناها ما يظنه القبوريون. القبوريون أي عباد القبور, ceux qui adorent les tombes. من صوفية ورافضة وغيرهم من المنحرفين. قال والمنحرفون أن الوسيلة معناها أن تجعل بينك وبين الله شفعا أو شفعا أي من الشفعاء أي أنا تغميتها يرفع حوائجك إلى الله. هذه هي الوسيلة عند المشركين قديما وحديثا كما يتخذ الناس الوسائط عند الملوك وعند السلاطين قاصوا الله جل وعلا بخلقه. هذا أعظم الأسباب, c'est une des plus grandes causes qui a poussé les gens au shirk. Annahum, ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala à la créature. Falihada, pour parvenir à quelque chose avec un responsable, avec un roi fait de dunya, kathiran, tu as besoin d'un intermédiaire. Limada, il y en a, tu ne peux pas contacter directement le roi. Le roi ne peut pas parler à tout le monde. On parle fait de dunya, un bachar. Falihada, kathiran, tu as besoin d'une wasila, un intermédiaire. كثير من هؤلاء ils ont comparé Allah subhanahu wa ta'ala avec هؤلاء الملوك في الدنيا. أما الله on n'a pas besoin d'intermédiaire أبدا. Allah عز وجل سميع قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. Donc demande Allah subhanahu wa ta'ala directement, et Allah subhanahu wa ta'ala il donne sans compter, et Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout, il est capable de tout. Donc, donner un associé à Allah subhanahu wa ta'ala via Adam, c'est une comparaison qiyasun bil makhlouq. Wa hadha al-bab, inshaAllah ta'ala, il est détaillé fi kashf al-shubuhat. Une grosse partie de kashf al-shubuhat, c'est pour répondre à ce genre de shubah, fi tawhid. Thumma, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a cité qawlullah azza wa jal, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. هذه الآية أو plutôt هاتان الآيتان فيهما تفسير التوحيد. Ces deux versets, تفسير التوحيد, تفسير الشهادة. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص دلت أي الآية على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني. تقدم معنا كثيرا أن شهادتي أن شهادة أن لا إله إلا الله les fondée sur deux piliers, النفي والإثبات. أي une négation et une affirmation. Dans ce verset tu as les deux. قال سبحانه وتعالى أي عز وجل rapporté la parole de Ibrahim. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا النفي. إنني براء مما تعبدون. أي je me désavoue de ce que vous adorez min دون الله. Que ce soit des statues ou autres. هذا سنفي. أي j'adore pas ce que vous adorez. إلا الذي فطرني. Sauf celui qui m'a créé. الفاطر c'est من أسماء الله. Ça ressemble à اسم الخالق. فطرني ça ressemble à خلقني. قال إلا الذي فطرني. Sauf celui qui m'a créé. Ça nous montre que le créateur c'est celui qui mérite l'adoration. أولا. Et ça nous montre كذلك إثبات أن العبادة سحق لله عز وجل. وتقدم معنا كثيرا أن النفي والإثبات يعني فائدة عظيمة سي التوحيد. Quand tu dis je me désavoue de tout ce que vous adorez sauf Allah, ça nous montre que celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. Mais si on dit Allah il est adoré, est-ce que ça suffit? Là كثير من المخلوقات sont adorées من دون الله. لكن on dit personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. C'est ça le tawhid. Et c'est ça معنى la ilaha illallah. Et en haqiqa الآن si tu viens à expliquer la ilaha illallah avec ce verset, tu verras que c'est مطابق تماما. فقوله عز وجل إنني براء مما تعبدون c'est notre parole la ilaha. La ilaha أي personne ne mérite d'être adoré. إنني براء مما تعبدون. قولنا إلا الله quand on dit la ilaha illallah c'est exactement قوله هنا إلا الذي فطرني لأن الفاطر c'est Allah. فلا إله إلا الله أي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Ce verset il explique التوحيد. فلهذا شيخ الإسلام إلا cité رحمة الله عليه. ثم قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Et ce verset il est واضح. قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه في القول المفيد ووجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. هذه الآية سيأتي فيها ترجمة كاملة في كلام المؤلف رحمه الله. فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة. كما قال شيخ العثيمين أنه أنغى شابتر غزغفي الطاعة فإن شاء الله أنتطيغا هناك. وهنا سيكلير تفسير التوحيد. لأن après avoir cité leur shirk, قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. C'est ça التوحيد. أدغي الله seul. أما ceux qui adorent autre qu'Allah et من العبودية الطاعة. الطاعة c'est من العبادة. فالسلبي كي أبي أن بشر في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. أي اليوبي فهذا إلا بخيف الحقيقة كم شريك سامو الشريك. لماذا؟ لأن الطاعة سين عبادة إن دوا أبيغ الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يأتي تفصيل معنا في هذا الكتاب لأن سيغت المسائل فوق ديتاي أكثر. وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. كذلك Ce verset sera détaillé, incha'Allah ta'ala, dans un bab sur Al-Mahabba. Fal-Mahabba, c'est une ibada. Celui qui la donne à autre qu'Allah, bien sûr, Mahabba ta'zim. Lian al-Mahabba aqsam, comme on verra, incha'Allah. Lakin une Mahabba qui pousse à se rabaisser, à adorer, à obéir dans tout, fahadihi, c'est une Mahabba qui est réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui la donne à autre qu'Allah, c'est un mushrik. فلهذا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي شركاء يحبونهم كحب الله. leur shirk c'était في المحبة. قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله في الملخص حيث دلت أي الآية على أن من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبة الله فقد أشرك. Celui qui aime un bachar comme il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du shirk. فنحن on aime مثلا nos parents, nos enfants, une mahabba طبيعية. لكن c'est pas une mahabba au même niveau que celle d'Allah عز وجل. أبدا. لأن محبة الله سبحانه وتعالى ça implique de l'adorer, de lui obéir, de se rabaisser, contrairement à notre mahabba envers Al-Bashar. ثم رحمة الله عليه قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. ثم إلى conclure هذا الباب avec ce حديث du prophète صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن هذا الحديث بين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن النطق بالشهادة مع الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل والبراءة منه. أما لو قال لا إله إلا الله وهو لا يكفر بما يعبد من دون الله بأن كان يعبد القبور أو يعبد الأولياء والأضرحة فهذا لم يكفر بما يعبد من دون الله. Ce hadith il te montre تفسير التوحيد أن التوحيد c'est pas qu'une parole qu'on prononce. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله لابد من النطق. On est obligé de prononcer cette parole. Sauf bien sûr celui qui est incapable de prononcer. Un mu'min qui est muet, il ne peut pas parler. هذا c'est autre chose. Il l'a dit avec son cœur. Et il y croit. أما celui qui a la capacité de prononcer, فلابد. فإذا لا إله إلا الله لكن ça ne suffit pas. Il est obligé d'avoir cette aqidah. يكفر بما يعبد من دون الله. Il doit détester, se désavouer et avoir la conviction que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est du kufr. Amma, celui qui dit la ilaha illallah, mathalan, et c'est déjà arrivé. Ba'dahum, ils ont voulu rentrer dans l'islam, ils ont dit la ilaha illallah, thumma, par rapport au christianisme, yaqulun la, je ne dis pas que le christianisme c'est batel, ou le judaïsme, ou tous les autres dînes, ils disent la. On est des croyants, c'est des croyants. هذا c'est batil. هذا en حقيقة, il est jamais rentré dans l'islam. Il y en a pour rentrer dans l'islam, il faut dire la ilaha illallah et avoir cette croyance. Al-kufr bil-ta'ut. Al-kufr bima yu'bad min dunillah. Fama yakfur bil-ta'ut wa yu'min billah. T'es obligé d'avoir cette condition. Al-kufr bil-ta'ut, comme on a détaillé, fil wajibat. Qashir al-Uthaymeen, rahimahullah, fil qul mufid. الحديث قال دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله. Ça suffit pas une simple prononciation. لأن هذه الشهادة a des annulatifs, des choses qui la rendent batila. Enfin, on est obligé de la prononcer et de la mettre en application et de s'écarter de tout ce qui l'annule. قال بل لابد أن تكفر بعبادة ما يعبد من دون الله. On est obligé d'avoir la conviction أن اليهود sont à la batil. أن النصارى يسوا على باطل على الشر أن الروافض يسوا على الشرك وزندقة. هذا التوحيد نفي وإثبات. أما dire لا إله إلا الله ثم dire que les chrétiens les juifs c'est nos frères cette كلمة الحقيقة c'est une parole prononcée فقط. أما la croyance de cette personne elle contredit son كلام عيادا بالله. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم مع النصارى والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء. حقيقة تستفيد من هذا une autre فائدة عظيمة أن celui qui dit لا إله إلا الله avec علم et une conviction ferme في الحقيقة ça va l'aider à s'éloigner des kafirs. لماذا؟ لأن الكفرة يدعون إلى دينهم ليلا ونهارا. Que ce soit les chrétiens, que ce soit les juifs, ou que ce soit al-malahida qui appelle à la démocratie, la laïcité. Tout ça, ça contredit la ilaha illallah. فالمؤمن قوي الإيمان, il ne peut pas rester مع هؤلاء. Il ne peut pas. لأن son tawhid, il va le pousser à les détester, à se désavouer et à s'écarter d'eux. Il s'écarte منهم حسا ومعنى. Il s'écarte منهم dans la croyance, dans les pensées il a akhiré, et كذلك il s'écarte de Hissan lui-même et il ne peut plus rester avec Haoula. C'est pour ça qu'on répète souvent à nos frères pour faire le hijra La provision la plus importante, c'est tahqiq hada tawhid. Mais l'argent, ça vient, ça part. Tu peux avoir de l'argent, tu fais l'hijra, tu n'as plus d'argent, tu retournes. Amma avec un tawhid qawiyya, une aqida sahiha, qawiyya, même si tu n'as pas d'argent, fais tasbir et Allah subhanahu wa ta'ala se yafta'a alayk. Wa yattaqillah yaj'allahu makhraja. Hada al-bab fil haqiqa, hada al-kitab, kitab al-tawhid, c'est la plus grande provision. Pas que pour l'hijra. Pour le hijra et pour faire salat et pour avoir un bon comportement et pour faire des efforts fil ilm et tout ton din, c'est ça la base. Allah al-musta'an. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, c'est ça ma'na la ilaha illallah. Thumma qala al-shaykh wa sharhu hadhihi at-tarjama ma ba'daha min al-abwab. Hada, c'est un aperçu de at-tawhid. Amma les détails, il y en a, il y a des masail an. Est-ce que c'est du shirk? Est-ce que ça contredit le tawhid? On verra, inshallah, des tafasil fi al-riya, fi al-mahabba, fi al-khawf, fi al-ta'a. Tout ça, ça a besoin de tafasil. Ça viendra dans les abwab que Cheikh al-Islam, il a cité. Enfin, jusqu'à huna, en haqiqa, on répète, c'était comme une introduction. Avant de détailler al-masail fi al-tawhid. Fa raji'u hadhi al-abwab. Faites des efforts. Révisez les abwab que vous avez appris par cœur. Révisez l'explication de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahmatullah alayh, thumma inshallah le prochain cours on commencera le prochain bab et on finit avec la lecture du sharh de Cheikh Sa'di. Qala rahimahullahu ta'ala bab tafsir al-tawhid wa shahadatu an la ilaha illallah. Qala huma bima'na wahid فهو من باب عطف المترادفين وهذه المسألة أكبر المسائل وأهمها كما قال المصنف رحمه الله. نعم تفسير التوحيد أو plutôt التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله c'est la même chose. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد c'est لا إله إلا الله. لا إله إلا الله c'est التوحيد. قال وحقيقة تفسير التوحيد العلم والاعتراف بتفرد والاعتراف بتفرد الرب بجميع صفات الكمال وإخلاص العبادة لله. C'est ça التوحيد. العلم والاعتراف. Être à la علم. Être convaincu أن الرب أي le créateur c'est lui qui mérite l'adoration. فلهذا celui qui فسر التوحيد هنا بالإلهية بالعبادة بتوحيد العبادة فالحقيقة il a cru en tawhid al-rububiyya et il a mis en application. Amma celui qui applique tawhid al-rububiyya ça implique pas annahu illadhu Allah seul. Falihada al-mushrikoun كثير منهم ils ont reconnu tawhid al-rububiyya. Iblis il savait que c'est Allah le créateur. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Donc ce ta'rif il est muhim. أن التوحيد توحيد العبادة. قال وذلك يرجع إلى أمرين. نفي الألوهية كلها عن غير الله بأن يعلم ويعتقد أن لا يستحق الإلهية ولا شيء من العبودية أحد من الخلق. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما وأنه ليس لأحد من الخلق في ذلك حظ ولا نصيب. تقدم معنا أن العبادة elle est fondée sur deux choses. أولا النفي. At-tawhid il est fondé sur deux piliers. An-nafi le premier. Aï, personne ne mérite d'être adoré parmi les créatures. Que ce soit un malek, que ce soit un nabi, que ce soit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dounahu min babi awla, que ce soit un salih, un savant, il n'a aucune part fait l'ibad. Thumma qala al-amr al-thani ithbat الألوهية لله تعالى وحده لا شريك له وتفرده بمعاني الألوهية كلها وهي نعوت الكمال كلها ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله. Deuxièmement, إثبات الألوهية. أي on croit, on est sûr أن celui qui mérite l'adoration c'est Allah seul. C'est ça التوحيد. نفي وإثبات. On nie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et on affirme, on croit que celui qui mérite l'adoration, c'est Allah seul. قال ولا يكفي هذا الاعتقاد وحده حتى يحققه العبد بإخلاص كلمة الدين لله فيقوم بالإسلام والإيمان والإحسان وبحقوق الله وحقوق خلقه قاصدا بذلك وجه الله وطالبا رضوانه وثواب. كذلك prononcer croix et mettre en application. Adorer Allah seul. Thumma, plus l'insan il est sincère, plus il adore Allah subhanahu wa ta'ala, plus son iman il est qawi, son tawhid il est qawi. On a déjà expliqué, anna al-muwahidin, ils ne sont pas tous au même niveau. Enfin, certains ils ont un tawakkul azim, un iman qawi. D'autres ils ont des faiblesses, d'autres ils font des péchés, d'autres ils font des bidats. Lakin, tant qu'ils n'annulent pas leur tawhid, ça reste des muwahidoun. Lakin, maintenant on fait des efforts pour parfaire هذا التوحيد لان الجزاء الى عظيم كما تقدم معنا 70000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. Celui qui حقق هذا التوحيد et il fait des efforts pour augmenter son niveau في الايمان وفي التوحيد فهذا الجزاء الى عظيم حتى 70000 ils rentreront في الجنه sans rendre de compte et sans se faire châtier. Et ça c'est le fawz العظيم. قال ويعلم أن من تمام تفسيرها وتحقيق البراءة وتحقيقها البراءة من عبادة غير الله وأن اتخاذ أنداد يحبهم كحب الله ويطيعهم كطاعة الله أو يعمل لهم كما يعمل لله ينافي معنى لا إله إلا الله أشد المنافى. كذلك savoir أن يدي الشوز كي أنول هذا التوحيد. فسي pour ça on doit détester ces choses الشرك et on doit détester ceux qui font هذا الشرك. Et inshallah on traitera ce sujet dans plusieurs abwa via hadha al-kitab. Kama fa'ala Ibrahim, tabarra'a min ash-shirk wa tabarra'a min al-mushrikin, les deux. Qala wa bayyana al-musannif rahimahullahu ta'ala anna min a'zam ma yubayyin ma'na la ilaha illa Allah. Qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah, falam yaj'al mujarrad at-tarafud biha 'asiman للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك. تأملوا هذا أن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة il a démontré أن prononcer ça suffit pas, بل reconnaître ça suffit pas, بل avoir la conviction ça suffit pas seul, il faut une autre chose. قال بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل من invoquer, adorer Allah seul, le haqiqa, ça ne suffit pas. C'est tayyib, lakin c'est qu'une partie. La boud, la deuxième partie. قال بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. أي النفي. أي détester الشرك, s'écarter du shirk, détester le mushrikin. فبهذا الإنسان يحقق son tawhid. فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اي العروة الوثقى سي لا إله إلا الله. فهنا نص من القرآن اي كذلك هنا السبيخ. فالتوحيد سي هذا التوحيد سي با une simple reconnaissance. التوحيد سي با que adorer الله. التوحيد سي adorer الله seul et détester ceux qui adorent autre qu'Allah. فالإسلام التوحيد il est fondé sur الولاء والبراء. C'est un sujet très très important. الولاء للموحدين أي محبتهم ونصرتهم وقربهم أمي ceux qui font pas de shirk المؤمنين الموحدين et les rapprocher les aimer في الله les aider والبراءة من المشركين وبغضهم والبعد عنهم والتحذير منهم. C'est ça التوحيد. Et détester المشركين et détester في الله s'éloigner d'eux et mettre en garde contre eux et montrer leur char. هذا c'est ça دين الإسلام. Et tout ça, ça n'implique pas l'injustice, comme ils comprennent بعض الضلال, بعض الصفهات. Là, tout ça avec justice. Malgré qu'on les déteste, on n'est pas injuste envers eux. Anna, on leur fait du mal, بغير حق إلى آخره. أبداً. بل, on a un bon comportement, on leur montre الدين. لكن notre conviction, c'est هذا. Tant qu'ils rentrent pas le الدين, فنورده بالله. سكافة. كين المنكر. بل, même si c'est un قريب. كما قال عز وجل, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا آباءهم الآية. Même si c'est leurs parents, même si c'est leurs fils, même si c'est leurs compagnes, الموحد يتتست المشرك. قال فتبين بذلك أنه لابد من اعتقاد وجوب عبادة الله وحده لا شريك له ومن الإقرار بذلك اعتقادا ونطقا ولابد من القيام بعبودية الله وحده. Ça c'est الخلاصة الآن. Ça c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. أنه لابد من الإقرار بذلك أي التوحيد. Tu dois avoir la conviction ferme dans ton cœur que Allah, c'est le créateur et c'est lui qui mérite l'adoration. كذلك, tu dois prononcer la ilaha illallah. كذلك, لابد من القيام بعبودية الله وحده. كذلك, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. طاعة لله وانقيادا ولابد من البراءة ممن ينافي ذلك عقدا وقولا وفعلا. كذلك, on doit se désavouer. والبراءة c'est le بغض. C'est détester بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب بالله والبغض بالله. فمع هذا on déteste tout ce qui contredit هذا التوحيد, que ce soit une croyance, que ce soit une parole ou que ce soit un acte, on le déteste si ça contredit هذا التوحيد, si c'est du shirk. On déteste les Yahoud, on déteste les Nasara, on déteste la démocratie, on déteste la laïcité, les mains, allez Allah, ça contredit هذا التوحيد. Et c'est ça دين المسلمين. والإنسان يصبر على هذا المعتقد والأمر لله من قبل ومن بعد. قال ولا يتم ذلك إلا بمحبة القائمين بتوحيد الله وموالاتهم ونصرتهم. نعم لا بد كذلك d'aimer في الله. Tu aimes ton frère موحد, لماذا tu l'aimes؟ لأنه c'est un موحد comme toi, même s'il a des faiblesses, même s'il a été injuste, ça enlève pas هذه المحبة بالكلية. لا, tant que c'est mouahid, il a une part de mahabba. Et plus il fait des efforts, plus on l'aime. قال وبغض أهل الكفر والشرك ومعاداتهم. Et détester le kuffar. Et avoir la conviction أنهم c'est des أعداء. On ne leur fait pas confiance. أبداً. C'est pour ça qu'on fait tout pour ne pas vivre avec eux, pour ne pas se mélanger avec eux. الحقيقة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, c'est une ثمرة من ثمرات التوحيد. C'est un fruit de ce tawhid. Falihada, celui qui étudie hada tawhid et le met en application, bi'idnillahi azza wa jalla, il a des facilités. Falihada, nansah ikhwanana, qui n'ont pas fait la hijra ou qui ont du mal à étudier hada tawhid. Ne vous fixez pas que sur ad-dunya. Ça, c'est minash shaitan pour vous écarter de la hijra. Al-Ba'd, il pense à la hijra, il pense qu'à des projets. Hatta al-Ba'd, il le dit clairement, là, je ne pars pas tant que je n'ai pas telle somme. A'oudou billah. Limada, tu te limites, limada, tu te mets tes obstacles seul, ya akhi. Là, dis, inshallah, je veux vers la hijra et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me facilite. Fa wallahi, wa'ad al-ikhwa, ils ont fait la hijra, ils n'avaient pas grand chose, pardon, mais ils n'avaient rien. Wallah subhanahu wa ta'ala fataha alayhim, wa wallahi anna al-ba'd. Et vous en connaissez, j'en connais, anahum, ils ont des milliers d'euros, rubbama, et ils ne peuvent pas partir. Limada, li anna, ce qui te fera partir, c'est ton cœur, bi'idnillahi azza wa jal, c'est pas tes poches, akhi al-karim. Tout ça, on le comprend avec le tawhid. Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les causes pour partir, on ne se prépare pas là. Khasatan, on est différent. Certains frères, il leur faut plus de choses. Certains frères, al-muhim fait des efforts sur la base. Thumma, le reste, c'est des détails. C'est ça, al-khulasa. Qala, la tourni fi hadha al-maqam al-alfaz al-mujarrada wa la da'awa al-khaliyatu min al-haqiqa bal labud an yutabiq al-ilm wal-i'tiqad wal-qawl والعمل صحيح أن هذا التوحيد c'est pas مجرد des paroles. فلهذا on a pas le droit de se contredire comme ils font القبوريون المشركون أنهم يدز لا إله إلا الله ثم يزادرون تون. Ça c'est la contradiction. Ce qu'il prononce, ça contredit ce qu'il a dans son cœur. Il détesterait cette chose, il n'irait pas l'adorer. Et هذا الفعل on parle. Amma, celui qui a adoré, ça peut être un fadil, بل un nabi. On parle du fi'l, il détesterait ce fi'l, le shirk, il ne le pratiquerait pas. Enfin, ça montre que ce qu'il dit, ça contredit ce qu'il pense, ce qu'il croit. Alors, on n'a pas le droit de se contredire. C'est un fi'l tawhid. Mais si tu te contredis dans une chose de dunya, ça peut te faire du mal. Un petit mal, un mal restreint. Qui ne se contredire fi'l tawhid, là, c'est le khasara, fi'l dunya ou l'akhira. Lakin al-ba'd, ils se contredisent à cause du jahl. Ils se contredisent pas parce qu'ils détestent tawhid, là, les annahum, ils ne le connaissent pas. On doit faire des efforts à apprendre pour montrer à Ha'oula. Comme min Ha'oula, ils étaient à la djah, là, ils étaient sincères, ils pensaient vraiment que ce qu'ils faisaient c'était haq, et ils sont revenus. On doit faire des efforts et montrer à Ha'oula. Qala, bal labud أن يطابق العلم والاعتقاد والقول والعمل فإن هذه الأشياء متلازمة متى تخلف واحد منها تخلفت البقية والله أعلم. Ces choses elles sont liées. Ce que tu vas prononcer, ce que tu crois et ce que tu vas mettre en application, c'est lié. Falihada, celui qui contredit ce qu'il dit avec un amal, maintenant il dit la ilaha illallah, thumma il se prosterne devant une statue, devant une tombe, hada, il a annulé. Il a annulé ce qu'il dit. Donc c'est important de ne pas se contredire fi hada al-bab. Et on ne se contredira pas fi hada al-bab, bien sûr, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa thabat, et kadhalik en faisant des efforts fil ilm. Lian al-ba'd, on a dit, ils se contredisent à cause de l'jahl, et d'autres kadhalik ils se contredisent à cause des shubah. Ils font des efforts pour apprendre, mais ils ont des shubah. Ils apprennent hada al-ilm inda ahl al-dhalal. Naktafi bi hada al-qadr. Et à partir du prochain cours, on rentrera dans ces abouab qui expliquent at-tawhid, et on essaiera, si on a le temps au début du dars, de faire une muraja'a de tous ces abouab depuis le début. Faites le muraja'a depuis le début jusqu'à hada al-bab. Avant de continuer, on fait brefement une révision à l'abouab. Pourquoi il a cité ce bab, Runa, l'explication, il a akhiré. Hatta, inshaAllah, la faïda, elle est a'azam. Nas'arullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadad, et on passe à notre deuxième dars, bi-idhnillah.